enfant mystère, mais pas chimère, et je m'enfonce au fond de l'eau. Toutes ces galères sont secondaires, tous ces passages qui tardent trop. Et là je vois ma vie s'enfoncer ainsi. Et là je sens ma vie crier au fond de mon lit. Je sais que je suis à toi. Tu es venu, tu m'as vaincu sur des terrains plus qu'impromptus. L'amour et moi, ça faisait trois. Depuis que t'es là, quel résultat? Et moi, ça fait un et c'est égal à toi. Toi qui m'as mis en un pas dans tes draps. Je sais que je suis à toi. L'amour qui est là à votre porte, faut lui ouvrir avant qu'il ne ressorte. Moi je l'ai fait, j'ai décidé, c'est depuis que l'enfant est né. Et là je sens ma vie s'épanouir petit à petit. Et là je vois la vie grandir au creux de notre nid. Nous avons usé le calendrier en continuant de s'enlacer. Alors le suivant est arrivé, c'est sans attendre qu'on l'a aimé. Et là je sens le bonheur m'envahir de ses vapeurs. J'ai bien fait de ne pas prendre peur, j'aurais perdu mon cœur.